Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours. Quelle obsession que ma passion, je te dis non, tout bas, tout bas. En moins de bruit de tes pas, mon cœur bat, mon cœur bat. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Ya ya ya ya. Aujourd'hui, comédienne, écrivaine, rédactrice, Sonia Palvic. Je la suis depuis très longtemps, nous nous suivons. Et c'est avec grand plaisir que nous allons croiser le micro et vous présenter ça dès maintenant. Sonia Palvic, à toi ma belle. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb placenta. Béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde de carbone. Sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète. Bonjour Daniel. Bonjour Sonia, comment ça va? Ça va et toi? Ah, je suis pas tellement beau. Ah, puis évidemment. C'est les deux comme ça. Ouais, hein. Désolé. Ah, non, mais c'est la danse des coudes. Allez, on fait pas la danse des coudes. Oui. Ouais, désolé pour mon retard. Ah, non, y a pas j'ai eu un peu de mal ce matin. À te lever? Oui, à démarrer, tu vois, j'étais pas très rapide. Mais ça dépend quand on se lève. Et quand on se couche tard aussi, c'est plus... Ouais, parfois. Ouais. Oui, non, c'est... je pense que la c'est... La machine était longue. Ouais, ça a été long. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà, ben, j'ai pas aimé. Mais je suis là. Eh ben voilà. Et voilà. Et excuse-moi, moi, le plein soleil, j'ai avoir du mal. OK. Est-ce que ça te gêne si on va à Londres? Oui. Non, ça me gêne pas. Oui, on y va. Super. OK. Merci beaucoup. Ici? Ouais, très bien. OK. Alors, t'es arrivé quand Je suis arrivé mardi. Au Québec. Mardi, mardi dernier. D'accord. Et je repars demain. Une semaine, quoi. 10 jours. 10 jours. Ouais. Mais c'est arrivé mardi. Oui. Demain, on est mardi. Oui, ça fait. Ah non, attends. Non, je suis arrivé. Ah, ok, merci. Toujours lunaire. Ah. Je suis parti vendredi, donc je suis arrivé samedi et je repars demain. Ouais. Voilà. Bah alors, ça va? T'as bien profité? Oui. Oui, mais il y a eu un petit pépin hier, mais ça, c'est ça. Ouais, mais je vais t'en parler. Oh là là, oui. Non, mais c'est pas si bien. C'est tristounet pour les gens que j'ai rencontrés, en tout cas. Je vais t'en parler. Préfères-tu... Là où il y a le long, moi, c'est... De ce côté-là ou de ce côté-là? Veux-tu voir les gens passer? Bonjour, monsieur. Comment ça, Rizal? C'est à Londres. Pardon, excusez-moi. C'est bon comme ça? Oui, très okay. Bien. C'est ici. Ils sont jolis tes micros. Ben oui, mais en fait, ce qui... qui garde l'intérêt de ce micro-là, c'est les couvre-micros. Ah oui? Ouais, ça c'est contre le vent. Ben ils sont jolis. Ah ben merci. Ça fait genre comme de petits, tu sais, de petits chiens. Ben certains, il y a... Petits lapins. Ouais, ben il y a une dame l'autre jour qui croyait que c'était deux chats. Ouais, c'est mais vrai. Mais des vrais chats. Ah oui, des vrais? Ouais. Carrément? Ouais, oui. Ben, ah, c'est mignon. Ouais, mais il y en a souvent qui sont à côté de leur plaque. Ah ben oui, je vois ça, je vois ça. Ouais. Mais en même temps, on peut bien lui leur attribuer l'image que l'on veut bien, mais c'est ça, c'est des couvre-micros. Mais oui, ben écoute... Hey, mais j'ai vu que tu avais ouvert un site sur la poésie. Oui. Alors, oui, je veux bien un café, s'il vous plaît. Expresso? Ouais, un expresso, merci. Combattre le chaud par le chaud? C'est ça. Non, mais le matin, pour moi, c'est plutôt du café. Après... Ouais, il faut partir. Ouais, il faut partir, ouais, c'est ça. Sinon, toi, ça va mieux? Ouais, moi, ça va, ça va. Ben, je commence doucement à me mettre en vacances. OK. Comment on peut se mettre en vacances? Bah, tu sais, c'est quand l'activité, elle diminue beaucoup. Et que du coup, t'as quand même encore des choses à faire, mais moins qu'avant, tu vois. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? C'est mêlé. Mais d'un côté, ça tombe pas plus mal parce que je suis bien fatiguée, alors ouais. Tu vois, c'est bien. Les deux années que l'on a passées à sortir et à entrer, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait quelque chose de bizarre ah ouais. Dans ta vie? Ah ouais, ouais, moi ça a modifié beaucoup de choses, ouais. Ouais. Non, je ne sais pas là. Oh, oui, toujours. Ah, toujours, ok. Ouais, ouais, ça a modifié pas mal de choses. Par rapport à mon activité, tu vois, ça a complètement modifié. Enfin, ça reste toujours autour de l'écriture. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que. Donc, tu vois, j'ai mon activité en autonome, enfin, que je crée moi, et puis celle où je suis prestataire pour d'autres personnes. Et en fait, il y en a au départ, ils m'avaient dit, oh là là, pendant 2 ans, on va pas pouvoir vous rappeler. En fait, ils m'ont encore plus rappelé qu'avant. Okay. Donc pourquoi? Ça, c'est rigolo. Pourquoi? Bah, parce que en fait, ils s'apercevaient qu'ils avaient des besoins. Enfin, en fait, ils étaient dans l'expectative et se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient m'appeler. Comme j'avais dit, coucou, c'est moi, je suis disponible, employez-moi. Mais surtout qu'il y avait rien à faire. Ouais, c'est ça. Et puis d'autres au contraire où tu vois où en fait du coup ils m'ont plus du tout rappelé et ça c'était bien embêtant. Surtout que tu vois on comprend pas toujours pourquoi on nous rappelle pas en fait. Et donc bon moi j'ai mis ça sur le compte que c'était parce que j'étais une des plus récentes dans l'équipe. Ah oui, ok. Alors, mais merci. Parfait. Merci. Et du coup, bah, je me suis retrouvée un peu dans tu vois, la situation où je savais pas. Enfin, en gros, j'essayais de trouver du travail, mais j'en trouvais pas. Et du coup, j'ai monté mon activité. Voilà. Et c'est là que la poésie entre en ligne de compte. C'est ça, c'est ça. Donc, nécessité fait vertu, on va dire. Oui, oui. Et du coup, j'avais fini ma formation en Feng Shui et j'avais envie de mêler tu vois, avec l'écriture parce que pour moi, le Feng Shui, en fait, c'est une philosophie de vie. Mm-hmm. C'est certes, ça passe par la maison et comment s'occuper de chez soi, etc. Mais en fait, c'est une étape vers autre chose. On ne va pas passer toute notre vie à nous occuper de notre maison. Enfin, en fait, oui et non. C'est-à-dire que bien sûr, on va passer notre vie à nous occuper de notre chez nous, mais le but, c'est surtout pour vivre. Enfin, tu vois, pour profiter de l'extérieur, pour quand on en a assez l'extérieur, être bien à la maison. Enfin, ouais, mais c'est pas, on va pas passer notre vie à être obsédé de la déco, par exemple. Donc, s'occuper de sa maison, c'est à la fois un plaisir et ça peut être une fin en soi, mais c'est pour moi c'est surtout pour s'occuper de soi. Et tu vois, dans les moments où c'est compliqué, comme on l'a vu avec le confinement, en fait on a quand même ce territoire intime sur lequel on peut agir quand vraiment on ne peut plus agir nulle part. Parce que en fait, moi je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie. À traverser, c'est quand on se sent complètement impuissant. Et je pense que c'est tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On est impuissant par rapport à la situation. Et peut-être on l'a vécu de manière amplifiée. ouais. et collective. Ben, on a perdu notre liberté. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu trouver notre liberté intérieure dans les ouais. deux sens. C'est ça. À l'intérieur de notre maison et à l'intérieur de soi. Ouais. Et du coup, bah, c'est pour ça aussi, tu vois, je me suis dit, voilà, que plus je travaillais sur le Feng Shui, plus je m'apercevais qu'en fait, c'était une démarche qui me parlait parce que j'avais toujours cherché ça, en fait. Sans le savoir. Et pour moi, le Feng Shui, bon, bah, c'est une forme, ça vient de Chine. Mais pour moi, c'est avant tout comment mettre de la poésie dans son quotidien. Allez, allez, allez, à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de pioche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allez, allons, allons, allez, allez, allez, allez, à chaque coup de sabre, prends l'écorce des canailles. Phénomène sociétal, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes ont pris cette tangente. Ouais. Bah écoute. Tes amis. Comment j'ai parlé de Feng Shui, tu veux dire? Ouais. Comment tu t'es rendu compte que ça existait? Ah, bah c'était il y a longtemps, parce que mon père a vécu en Asie quand il était petit. Et du coup, tu vois, il parlait beaucoup du bouddhisme, beaucoup. De la philosophie taoïste aussi. Et du coup, il me parlait de disciplines qui étaient héritées du taoïsme, dont le feng shui. Et il me disait souvent, dans la vie, c'est important de bien ranger sa chambre, parce que, notre façon d'occuper l'espace reflète notre état intérieur. Est-ce que tu y crois? Ah oui, j'y crois. Ouais. Quelqu'un qui est bordélique chez lui, dans sa vie, il l'est aussi? Alors, il peut, tu vois, c'est-à-dire que je ne suis pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a une grille idéale, sauf qu'elle ne sert que à pouvoir interpréter le réel à travers cette grille, mais il ne s'agit pas de s'y coller et de vouloir faire rentrer le réel dans la grille. Parce que la grille, c'est juste un moyen de questionnement, en fait. Et du coup, je ne vais pas dire que toutes les personnes qui sont bordéliques, c'est aussi le bordel dans leur vie. En revanche, j'ai pu observer qu'il y a certaines personnes qui ont certaines tendances au bordel et qui, en effet, elles me disent qu'elles-mêmes, elles le ressentent aussi dans leur esprit. Donc le rangement, ça peut être une manière pour elles de mettre de l'ordre, de clarifier dans leur existence. Sans savoir, crois-tu que quelqu'un qui prend en main son appartement, sans le savoir, prend aussi en main son intérieur? En fait, moi, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Pour moi, il s'agit de commencer par quelque chose pour cheminer et mieux se connaître, en fait. Et peut-être, en fait, je pense qu'une meilleure connaissance de nous-mêmes permet après de se sentir mieux dans la vie, en fait. De mieux faire avec ce qui arrive. Et du coup, pour moi, c'est un moyen. Moi, c'est un moyen qui m'a parlé. Après, il ne s'agit pas de ranger pour ranger, pour moi. Il s'agit de ranger pour donner du sens à notre quotidien. Et c'est pour ça que pour moi, c'est poétique. Dans le sens où pour moi la poésie, c'est un état créatif par rapport à l'existence et par rapport à ce qui nous arrive. Et moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est littéraire. Et du coup, pour moi tout ça c'est mêlé en fait. Pour moi il s'agit de revenir aussi sur... Je pense qu'il crée beaucoup de mal-être dans notre société actuelle, c'est l'hyper-spécialisation et la monomanie que ça engendre. Et c'est un peu être dans une œillère. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé étonnant qu'on me renvoie l'image que j'étais quelqu'un de très polyvalent qui fait plein de choses et du coup, on sait plus ce qu'elle fait. Alors, c'est mal vu. J'ai toujours été étonnée de ça parce que, en fait, les grands penseurs de la Renaissance, ils faisaient plein de choses. Léonard de Vinci, il n'était pas que peintre ou que. Ou chercheur, penseur. Il a inventé plein de choses. Il avait plein de casquettes. C'est ça. Et en fait, quand on regarde les biographies de toutes les personnes créatives, ils ont plein de casquettes. Boris Vian, plus près de nous. Boris Vian, c'est à la fois un romancier, c'est un fonctionnaire. Il a travaillé à la FNOR, c'est quelqu'un qui a fait plein de choses dans sa vie. Il prenait ses vacances pour écrire des livres, entre autres. Voilà, c'était un moyen de s'aérer l'esprit. Et il a énormément contribué au développement, à la diffusion du jazz en France. Aussi. Voilà, et puis il a lui-même travaillé pour une maison de disques. Donc moi je trouve ça vraiment toujours étonnant. Quand on renvoie cette image de quelqu'un d'atypique, de slasher, de décalé, alors que c'est pas forcément... c'est juste un fonctionnement peut-être différent. Peut-être plus périlleux, mais en même temps, qui obtient d'aussi bons résultats, en fait, puisqu'on est dans une logique de performance et de résultats. En fait, quelqu'un qui fonctionne comme ça peut obtenir aussi de très bons résultats. Donc je ne dirais pas que l'existence de Boris Vian est enviable dans le sens où il a toujours été... Il y a une forme d'épuisement dans son fonctionnement. Il est mort à 39 ans, donc ouais. Il a fallu qu'il... C'est ça. Parce qu'il en a fait des choses en 40 ans. Ah, il en a fait des choses. Ouais. Peut-être un peu trop, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour ça que aussi c'est bien de s'occuper de son intérieur et de chez soi. Parce que ça permet aussi de prendre des temps de récupération, en fait. Ouais. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ça, oui. Ouais. Tu vois, c'est vieux comme le monde. Comme la civilisation romaine. Tu vois, moi, je vois ça un peu à l'inverse. Je dis souvent un esprit sain dans un corset. Oui. Parce que pour avoir un esprit sain, il y a un prêt à payer. Et prêt à payer, c'est d'être très dur avec soi-même. Ah bon? Ben oui. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a beaucoup de dérives faciles à emprunter et un esprit sain dans un corps sain. Pour avoir un esprit sain, ça demande de l'entretien, ça demande un cheminement particulier. Ouais, mais en fait, franchement, ça demande aussi quelque chose qu'on a franchement tendance à oublier, c'est que... tu vois, même, en fait, même dans les moments de détente, on est toujours dans la performance. Enfin, c'est-à-dire que... en fait, c'est très difficile actuellement d'accepter de rien faire et de se reposer. Et c'est mal vu aussi. En fait, je sais pas si c'est mal vu, mais en tout cas, c'est mal vécu. Ouais, ça, peut-être la culpabilité judéo-chrétienne. Ouais. Qui vient d'entrer. Ouais. Et je vois, hein, c'est très difficile, surtout quand tu es indépendant. Moi, je vois dans mon activité, j'ai beaucoup de mal à lâcher. Hein. Parce que justement, comme c'est une activité qui dépend de moi, j'ai l'impression que si je fais rien, il ne se passera rien. Alors qu'en fait, il est vraiment nécessaire pour moi d'avoir des moments où je ne fais rien. Ouais. Parce que sinon, je sature et de là, après, l'infarctus, tu vois, c'est ça. Ouais. Au village, amen. Si tu gardes à l'intérieur ce qui te guide à l'extérieur, alors vu de l'intérieur, tu ne changes pas. Si tu laisses à l'extérieur ce que tu guides à l'intérieur, alors vu de l'extérieur, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est bien que rien faire, c'est faire quelque chose. Bah oui, c'est se ressourcer. Ouais. Et aussi, tu vois, par exemple, j'entends beaucoup de gens qui ont peur de rien faire parce que s'ils font rien, bah en fait, il y a quelque chose de très effrayant dans le faire, dans le rien faire. C'est que si tu fais rien, que tu n'occupes pas ton esprit, c'est là qu'apparaissent tous les problèmes. Machiavélique, ouais. Tout ce qui est sombre, rageux. Ouais. Infréquentable. Voilà. Bah, comme tu fais rien, tu n'as rien pour les mettre à distance, ils apparaissent. Et du coup, tu as une situation hyper inconfortable. Tu es face à ça. Et tu te dis, oulala, en fait, non, je vivement, vite, il faut que je trouve de quoi m'occuper. Bah oui, parce que c'est diabolique, c'est machiavélique de rien faire. Parce que les esprits malsains nous apparaissent. Et c'est ce qu'on croit. C'est pas vrai, ça dépend aussi de chaque profil d'individu, mais c'est pas non plus, c'est pas suggestant de rien faire, c'est simplement une idée que l'on se fait de se ressourcer. Ouais. Parce que si on veut rebondir, il faut se ressourcer. Ben c'est ça, et en fait souvent on a une image, tu vois, du fait que se ressourcer c'est... forcément ressentir tu vois, un état de bien-être total, alors que ça passe aussi par justement laisser sortir ce qui va pas en fait. Et du coup, souvent on va dire, c'est rigolo parce que souvent en fait, moi quand je dis ça, ou tu vois quand je pratique, parfois on se prend des retours un peu violents en fait de la part de personnes, en disant bah oui c'est du bon sens ce que tu dis. Bah ouais, est-ce que tu le fais? Ouais, c'est ça, hein, aussi. Ouais, mais c'est pas parce que ça semble si, si facile à raconter que c'est facile à faire. C'est ça. Et justement, c'est hyper difficile à faire. Enfin, de travailler sur soi, c'est très dur. Et surtout sans consulter. Moi, je trouve que mieux vaut aller soi-même plonger en nous. Que de demander à quelqu'un d'autre, à l'étranger, de plonger avec nous en nous. Ah ouais, tu trouves? Ah ben oui. Moi, je trouve que, en fait, il s'agit quand même d'être accompagné, tu vois. Ah ouais, bah, y a des moments de la vie, tu vois, il y a des choses qui sont trop difficiles à supporter seul. Et il s'agit de trouver un thérapeute avec lequel on se sent bien et qu'on se sent capable de nous accompagner. Mais pour moi, il y a des moments où, tu vois, il s'agit de varier. Il y a des moments où c'est mieux de faire ce travail-là seul, et puis des moments où c'est nécessaire d'accepter que quelqu'un nous aide sur ce chemin, ça peut être bon, quoi. Mais c'est pas difficile de libérer ce que l'on a de plus personnel à quelqu'un que l'on connaît pas. Bah, c'est aussi dans le temps. C'est aussi qui est-ce qu'on a en face. Et c'est vrai qu'aussi, bah, en fait, le problème, c'est que parfois, il y a des thérapeutes, tu ne vas pas avancer dans ta thérapie, parce que justement, tu ne veux pas lâcher, entre guillemets, le morceau. Mais ouais, c'est normal. Et comme tu ne le lâches pas, en fait, bah, tu ne peux pas avancer, en fait. Mais tu ne crois pas que l'écriture peut arriver à ça? Bah si, sauf que... aussi, mais pour moi, c'est... Enfin, tu vois, ça y contribue, mais le problème, c'est que... moi, je trouve que c'est quand même plus... Enfin, j'ai l'impression d'avancer mieux en faisant les deux. Mais je crois aussi, peut-être inconsciemment, le fait de le divulguer à l'autre, c'est de sortir quelque chose pour que l'autre soit, le sache. Oui, aussi. C'est inconscient. L'autre le sait, donc je me sens libéré. Si tu l'écris, bien, ça reste encore entre toi et toi. Oui. Ben, mais en même temps, tu vois, il y a des choses... c'est-à-dire que un accompagnant, un thérapeute, ça permet de faire le tri. Il y a des choses que tu n'as pas envie de dire à tout le monde. Il y a des choses, ben, tu as besoin d'en parler à quelqu'un, mais qui ne va pas le raconter à tout le monde. C'est ton jardin secret. Et en revanche, il y a des choses qui sont hyper intéressantes à être délivrées. Et moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de tout déballer sur la place publique, en fait. Ouais, mais crois-tu que la vie de couple sert aussi à ça? L'autre peut écouter l'autre et vice-versa? Ah ben, c'est pas au partenaire dans le couple de tout éponger, en fait. Pour moi, c'est... Il y a vraiment... pour moi, enfin, on se retrouve souvent en situation d'infirmière ou d'infirmier, mais c'est pas à l'amoureux de guérir l'autre, en fait. Non, sans guérir, juste le fait de lui parler comme... Oui. Oui, bah, de se confier, etc. Mais l'autre, il peut pas tout faire pour nous. C'est-à-dire que... Bah, le thérapeute non plus. Non, mais c'est plus son travail, tandis que l'autre, c'est pas son boulot, en fait. Ouais, mais sans parler de boulot, peut-être que la confidence, c'est quelque chose que l'on peut faire dans l'intimité. Oui, mais c'est deux relations différentes. La confidence et la parole thérapeutique, c'est des choses différentes. Mais peut-être que cette façon thérapeutique-là peut se retrouver dans les livres, dans les... Pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je le vois bien... Souvent, moi, en tant que personne, tu vois, qui... Enfin, tu vas me dire que je prêche pour ma paroisse, mais tu vois, en tant que personne qui aussi accompagne, sans être psychologue, mais voilà, qui a une approche thérapeutique... une oreille attentive. Donc, moi, c'est clair que ce que je fais, ça ne remplace pas le travail avec un psy, mais c'est thérapeutique. Ça peut, tu vois, être un tremplin, ça peut accélérer un travail sur soi, enfin... Ça peut aider à prendre conscience de certaines choses après sur lesquelles on va travailler avec un psy. Mais ça, c'est en fonction des personnes. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin parce qu'elles se sentent que ça va pour elles. Et du coup, ça va accroître leur mieux-être ou leur connaissance d'elles-mêmes. Mais... Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages. Des foulées du grabuge, de la force au centrifuge. Je suis loin, mais ce n'est pas si loin. La la la. Si tu me laisses un message, je le lirai dans les nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, nuages. La la la. Parmi les anges et les mages, je distinguerai ton visage. Tu es loin, mais ce n'est pas si loin. La la la. Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages, nuages. Mais en tout cas, moi, souvent, on me dit « Oh, bah, pour le moment, bah, c'est intéressant ce que tu proposes, mais pour le moment, je vais aller lire. » Bah, très bien, c'est un bon début. Et la personne, voilà, peut-être ça colle pas avec moi, et tu vois, je peux pas l'obliger, voilà. Mais plus tard, elle m'appelle en me disant « Bon, en fait, parce que les livres, ça remplace pas quelqu'un. Enfin, moi, je sais que j'aurais jamais progressé, le sentiment d'avancer autant, plutôt que de dire progresser, j'aurais si j'étais pas allée voir un thérapeute. Enfin, c'est pas les livres, ça m'a accompagnée, mais rien n'a remplacé le travail avec quelqu'un, en fait. Est-ce qu'on s'en va en thérapie vraiment lorsqu'on n'en peut plus, ou si on y va avant de ne plus pouvoir rien faire? Eh ben, en général, comme on ne vit pas dans un monde idéal, souvent, c'est quand on n'en peut plus qu'on y va. C'est comme chez le dentiste. C'est ça. En fait, il serait recommandé d'y aller avant de plus en pouvoir, mais c'est souvent quand on est en situation de détresse ou de crise qu'on y va. Ouais. Et est-ce que tu crois, parce que chez nous, on peut juste prendre le téléphone et appeler un centre de crise. Ouais, ça s'appelle le centre de crise. Ma copine travaillait là. Et mon ancienne copine travaillait là. Et puis, donc, les gens appelaient en situation vraiment d'urgence. Et eux référaient ou écoutaient. Juste le fait d'écouter, peut-être, ça apaise la crise, ça apaise le passage à l'acte. Et après, ben là, il y avait une réunion avec la personne en question, il y a une rencontre. Après, on l'amène à la personne la plus probante de la sortie, pour la sortir de ce marasme-là. Donc, est-ce qu'il existe ça aussi? Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a... Enfin, il y a tout à fait, c'est possible en cas d'urgence d'appeler un centre où il y a des psys qui répondent au téléphone. Hein. Et c'est gratuit? Oui, mais c'est gratuit, c'est ouais, okay. Ouais. Mais même en situation de crise grave, on peut appeler à ce médecin qui est remboursé. Hein. C'est-à-dire que le médecin, il va venir en pleine nuit, tu vois, si c'est une situation vraiment de détresse psychologique. Voilà, faut pas hésiter à appeler... quelqu'un, enfin, voilà, donc si ça dépend si c'est une crise de l'ordre de la psychiatrie ou c'est une crise d'angoisse ou... En fait, c'est important d'appeler à l'aide. Voilà, il y a des situations où on ne peut pas s'en sortir tout seul, en fait. Et c'est d'être en lien avec les autres qui va nous permettre de faire bouger ça, en fait. De faire bouger ce sentiment de mal-être. En même temps, chez nous, c'est un peu, peut-être comme ici. Si on veut rencontrer un psy, d'accord, mais on doit défrayer les frais. On doit défrayer un montant quand même assez faramineux. En fait, il y a plein de solutions qui existent. Maintenant, en France, on peut être remboursé avec ça. Ouais, alors, il faut déjà avoir une... Et il y a aussi des psys qui pratiquent des prix moins chers. En fonction des moyens de leur patientèle. Et il y a aussi des centres où c'est des consultations qui sont beaucoup moins chères. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'ai une copine qui n'avait pas trop les moyens. Elle avait trouvé un centre où elle pouvait aller voir un thérapeute. Elle payait 30 euros la séance. Et c'est des choix, c'est-à-dire que vaut peut-être mieux consacrer une partie de son budget à se sentir mieux plutôt que de dépenser dans d'autres choses en fait, qui coûtent aussi cher. Et qui nous feront du mal. Ouais, ouais. Au lieu d'acheter une bouteille de rouge, mieux vaut aller consulter. Ouais. C'est ça. Mais... Ou des paquets de cigarettes. Quoi. Ouais, ouais. Mais chez nous, si on ne veut pas payer, on doit passer par le psychiatre. Bah oui, mais c'est possible. Le problème, chez nous, comme peut-être partout ailleurs, un psychiatre n'a pas la même vision que le psychologue. Oui. C'est beaucoup plus thérapeutique. On prescrit beaucoup de médicaments. En fait, ça dépend. C'est pour ça qu'il s'agit aussi de choisir la personne à qui on va faire sa thérapie. C'est-à-dire que il y a des psychiatres, ils vont pas pousser la prise de médicaments s'ils voient qu'on peut s'en passer. Disons que ce qui est compliqué, c'est de tomber en dépendance et d'avoir qu'un avis. Et que ce soit aussi pour le bien-être ou pour la thérapie, c'est-à-dire que pour moi, il y a un thérapeute, c'est un avis, et on va en voir un autre, il aura un autre avis. Et tu vois, par exemple, si on n'a pas envie d'être traité par des médicaments, on peut essayer d'autres alternatives, Et si celle-là marche, eh ben pourquoi prendre des médicaments? Sauf si et si on s'aperçoit que on a essayé mais ça marche pas, il est peut-être nécessaire à ce moment-là de passer par une prise de médicaments. Mais c'est pas il n'y a pas une solution. Il n'y a pas quelqu'un qui détient la vérité. C'est à nous de trouver notre vérité à ce moment-là et ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est aussi bien pour un thérapeute de reconnaître ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un psychologue ne va pas pouvoir traiter. Il sera nécessaire d'aller voir un psychiatre. Et il y a des maladies que le psychiatre ne pourra pas traiter. Enfin, du coup, c'est tout un cheminement. Ouais. Et après aussi, on rêve souvent de la guérison comme le moment où on sera. Tu vois, tu as cette idée aussi dans tout le travail spirituel de l'illumination. Mais en fait, c'est pour moi plus des moments de prise de conscience. Et je pense pas que. Je pense que le moment de l'illumination, ça sera sans doute notre dernier souffle. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on est des êtres imparfaits et qu'on aura des prises de conscience. Et que c'est pas parce qu'on a une prise de conscience que le chemin il est fini en fait. Est-ce que tu crois qu'en vieillissant, c'est là que les troubles commencent à apparaître ou si c'est dès l'adolescence ou l'enfance que tout commence? Bah écoute, dépendant de l'enfance que l'on a eue aussi. Bah moi ce que je peux observer, c'est que aussi ça dépend de soi, c'est-à-dire qu'il y a des enfants. Dans des fratries, ils vivent les mêmes sévices, entre guillemets, et pourtant, ils ne vont pas s'en sortir de la même façon. Ils ne vont pas réagir de la même façon. C'est un ensemble. En fait, souvent, on a... En fait, ce qui est peut-être pour moi une des choses qui a été les plus difficiles à accepter, c'est que... finalement la vie elle est complexe pour moi hein. Et il y a des fois où les choses elles vont être très simples et des fois où ça va être très compliqué et il n'y aura pas qu'une seule réponse en fait moi tu vois ce qui m'intéresse beaucoup dans la pensée chinoise ancienne c'est que c'est beaucoup et notamment le Yiqing c'est une pensée de la situation. En fait, c'est quoi la situation présente? Et il y a tout un tas de données complexes qui est différentes qui la composent. Et parfois, en fait, on n'a pas de recul pour observer quelle est la situation qu'on est en train de traverser. Mais en parlant de recul, ça me fait penser à ça. Est-ce que crois-tu que des fois, on prend les choses trop au sérieux? Ah bah aussi, mais c'est aussi parce que... La fatigue peut faire amener à ça, ou trop près du sujet, on peut pas être... Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Enfin, puis en plus, parfois, c'est étonnant comme quelque chose qui nous a paru hyper important dans le passé. On y repense, et en fait, on se dit, mais aujourd'hui, j'avais même oublié. Mais en effet, c'est humain, hein. On est humain, on peut pas... On fonctionne comme ça aussi, hein, on fait avec. Toutes les femmes que tu as aimées, je les reconnais. Quelque chose dans leur regard se tait. Chaque femme que tu as laissée, seule sur le quai, recevra de ma part un bouquet. Il est doux, il est doux de se venger. Toutes les femmes que tu as aimées, ton reflet dans leurs cheveux me plaît. femme que tu as blessée, je la flatterai, en silence je lécherai ses plaies. On peut avoir le recul nécessaire, c'est-à-dire que bon, je vais attendre, je verrai, j'y reviendrai, et ça peut changer. Bah oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que parfois, en fait, peut-être on a honte ou on est en colère contre nous-mêmes quand on n'y arrive pas. Alors que il s'agit toujours pour moi de me rappeler, enfin tu vois, j'aime bien me rappeler ça quand j'y arrive pas. Parce que voilà, même si tu travailles sur toi, même si tu essayes de prendre du recul, etc., bah, y a des moments, c'est trop difficile. Bah oui, on est humain, donc on est vulnérable en fait. Et les sages, souvent, c'est des personnes qui vivent en dehors de la société. Ou parce qu'ils en sont chassés, ou parce qu'ils choisissent de partir. Et voilà, Confucius, il est représenté souvent sur son âne ou sur son buffle. J'ai un trou de mémoire, mais en tout cas sur sa monture. C'est sur son tapis. Alors, pas sur son tapis. Ben oui, moi je la vois sur son tapis. Tu vas sur son tapis, oui. Mais il est souvent voilà, sur son animal qui va le conduire dans la montagne où il part en retraite. Parce que moi, je le vois déjà sur sa montagne, sur le tapis, en train de réfléchir. C'est vrai, ben voilà. Mais souvent, il est... contempler, mais pas réfléchir, contempler. Ce qui est hallucinant, c'est que lorsque on se trouve à quelque part, disons ici, et on rentre dans une transe, une fixation, donc on parle pas, on est là un peu absent. Les gens s'imaginent que l'on réfléchit, mais souvent, on fait rien. Oui, c'est ça. On fait rien. Ouais, ne pas réfléchir, c'est quelque chose. Arriver à la non-réflexion, c'est un travail d'abandon total. Oui, oui. Et c'est vrai que, je dirais, tu vois, la non-réflexion, en fait, c'est surtout un laisser-penser. Oui. C'est un laisser traverser. En fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ben oui, c'est une respiration ouais, c'est intellectuelle. Ça. On n'est pas... Enfin, en fait, on n'est pas dans le néant. On est dans l'absence. C'est ça, dans... La contemplation. Ouais, la contemplation, ouais. Mais voilà, peut-être on n'est pas dans l'action, mais en même temps, on ne fait pas rien. C'est ça qui est difficile de... Mais je crois que ne rien faire n'existe pas, parce que même si on ne fait rien, on fait quelque chose. Et lorsqu'on est on commence disons, les 6 premiers mois de couple, la personne ne te connaît pas. Et là, on te donne des réflexions ou des façons d'être que tu n'as pas, comme la fixation du regard. Là. À quoi tu réfléchis encore? Tu ne veux pas décevoir. Non, rien. Mais quand tu dis rien, la personne n'y croit pas. Oui. Donc, elle s'imagine que tu veux dédramatiser. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as l'air étrange. Non, non. Oui, puis c'est vrai que c'est fou, tu vois, toutes ces pensées terribles qui nous traversent. On nous fait réfléchir. Et en fait, qui correspondent à aucune réalité. Non. Et en fait, c'est vrai que si on s'y accroche, ben, on va les prendre pour réelles. Mais et aussi, en fait, souvent, souvent, en fait, c'est un travail qui prend du temps. Et en fait, on est tellement habitué à l'immédiateté. Ah oui, instantané. L'instantané, que, en effet, d'abord, on va trouver ça difficile de se détacher. Mais c'est juste qu'il s'agit de commencer. Et petit à petit, ça va se transformer. Mais on ne va pas avoir une réponse tout de suite. Ça va prendre du temps. Et du coup, nous, on a... Enfin, je pense que c'est très difficile. Et en tout cas, ma génération et les gens plus jeunes, tu vois, moi, j'ai 40 ans et... 57. Je ne sais pas pour... voilà, mais je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose aussi de générationnel ou aussi dans le caractère. Mais en fait, c'est... Finalement, c'est très fréquent que les choses elles prennent du temps, c'est tout. Trouves-tu que la société nous amène aussi à des prises de à des fausses prises de conscience? Par exemple, par exemple, lorsque tu es adolescent, tu dois avoir la crise de l'adolescence. Lorsque tu as 40 ans, la crise de la quarantaine. Quand tu prends ta retraite, la crise de tout abandonner, le travail d'une vie. Mais c'est uniquement économique parce que la vie continue, donc tu peux faire du bénévolat, tu peux même continuer à temps partiel, ou tu peux t'arrêter pour lire les livres que tu as mis de côté, écouter les disques que tu as mis de côté, vivre ce que tu n'as pas pu vivre parce que tu as eu des enfants, tout ça. Est-ce que crois-tu que la société nous amène aussi à cette culpabilisation, à ce... Là, tu me dis que tu as eu 40 ans. Ouais. As-tu le flash d'une dire, ah ben là, si j'ai 40 ans, il faudrait que je vérifie si je vais avoir la crise de la quarantaine, est-ce que... C'est sûr que pour moi, c'est un questionnement, tu vois, l'âge, c'est un miroir, tu te dis, là, j'ai 40 ans, c'est vrai que je fais un bilan, mais je me sens beaucoup moins en crise que quand j'étais plus jeune. Pour le moment, j'ai l'impression d'avoir fait une crise... tu vois, de vie, parce que justement, mon père tombait malade, il a eu une grosse maladie, il a eu Alzheimer. Ah, la mienne aussi. Tu vois, et en fait, moi, ça m'a vraiment plus remis en question que mon âge maintenant. En revanche, tu vois, par exemple, je sais que l'approche de la quarantaine, je me posais beaucoup la question de... du coup, il y a l'horloge biologique, est-ce que je vais avoir un enfant? J'en ai pas. Et en fait, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus que j'aurais peut-être pas d'enfant. Et en fait, que c'est pas grave. Tu vois, enfin, disons que pour moi, ça n'a jamais été une priorité. Je me dis, si la vie fait que j'en ai un, ça sera une belle expérience à vivre. Mais si j'en ai pas, en fait, ça fait pas de moi une femme qui a un problème, en fait. Et plus jeune, c'est vrai que quand j'étais autour de... Enfin, quand j'avais 30 ans, j'avais beaucoup... On me renvoyait beaucoup ça, tu vois. T'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant. Et tu vois, des personnes que je connaissais même pas. Donc moi, je les rembarrais toujours parce que je trouvais ça complètement déplacé. Mais c'est vrai que ça me touchait plus qu'aujourd'hui. Et ceci peut-être parce que quand on est plus jeune, on a besoin de... Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de plus se rentrer dans une norme, de correspondre à une norme. C'est plus confortable. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis mieux le fait de ne pas forcément faire comme tout le monde, entre guillemets, parce que je pense que personne ne fait comme tout le monde. Heureusement. C'est rassurant de faire comme tout le monde. Oui, oui. Je vais revenir à l'Alzheimer parce que ma mère a eu elle avait une triple démence et l'Alzheimer, la totale. Et il est rendu à quel stade? Ah, mon papa est décédé depuis 2 ans. Ma mère est décédée la journée où j'étais à Paris. Oh, c'est pas vrai. Et je m'en allais le lendemain. Je faisais un mini-concert sur les abeilles et j'ai appris que ma mère était décédée. Là. Ouais. C'était quand? Ça fait 4 ans. Oh là là, je suis désolée. Et il n'y a personne, ils n'ont absolument rien vu. The show must go on. J'ai continué, j'ai poursuivi. Et par la suite, lorsque je suis entré à Québec, là, je l'ai mentionné. Et tous les gens que j'ai rencontrés cette journée-là m'ont dit que je les avais bluffés. Ben ouais. Et qu'il y en a une qui disait, j'avais la tête dans le guidon, j'ai pas pu...